When we practice vipassana meditation diligently, we should have right attention, right aim. Les yogis pratiquent vipassana de façon diligente. Si l'on veut pratiquer vipassana de façon diligente, il faut avoir une intention juste. Il faut savoir dans quel but on le fait. Pourquoi pratique-t-on vipassana? Nous devons le savoir. Nous pratiquons vipassana pour atteindre l'illumination. Pour atteindre, comme le dit le Bouddha, le chemin et le fruit juste. Pour réaliser Nibbana. Tout ceci, c'est le but correct lorsqu'on pratique vipassana. Le Bouddha a lui-même pratiqué la méditation. À l'âge de 31 ans, il a atteint la sagesse suprême. En pali, on parle de Sabbeññuta Ñāna, l'omniscience. Il est alors devenu un Bouddha. Lorsqu'on lui demanda « Qui êtes-vous ?», il a répondu « Je suis le Bouddha ». Mais il n'a pas toujours donné la même réponse. Parfois, lorsqu'on lui demandait qui il était, il répondait « Je suis le maître, le professeur ». Ceci fait référence aux 9 qualités du Bouddha. Parmi ces 9 qualités, il y a le fait d'être un Bouddha, c'est-à-dire un illuminé, un béni. Dès que le Bouddha atteint la sagesse omnisciente, il exprima sa joie. Ce n'est pas facile d'atteindre la sagesse omnisciente. Il faut pour cela que les paramis aient atteint leur perfection. Il y a 10 paramis, et pour les parfaire, cela prend énormément de temps. Cela se mesure en cycle cosmique. Lorsque donc le Bouddha eut ses paramis parfaites, lorsque ses paramis furent devenus mûrs, il pratiqua la méditation pendant 6 ans. Au bout de ces 6 ans, il atteint la sagesse omnisciente. Et il exprima alors sa joie par ces termes. « Architecte, faute de te voir, faute de te reconnaître, j'ai dû errer pendant des vies et des vies. Faute de voir l'architecte de la maison. La maison, c'est le corps et l'esprit. Qui est l'architecte de la maison? C'est loba ou tanha, l'attachement, le désir sensuel, et avidja, l'ignorance. Loba ou tanha, c'est donc l'attachement au plaisir sensuel. Je vous ai parlé hier des 6 sortes de plaisirs sensuels. Le plaisir d'entendre, de voir, de sentir de bonnes odeurs, de goûter de bonnes saveurs, de toucher et de penser. Nous sommes attachés à ces choses. Avant d'atteindre la sagesse omnisciente, le Bouddha avait également de l'attachement pour ces choses. Quant à avidja, c'est l'ignorance, c'est le fait de ne pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. L'attachement est quelque chose de négatif. Mais tant qu'on n'a pas développé la sagesse, on le voit comme positif. À cause de cet attachement, nous sommes amenés à devoir reprendre naissance, vieillir, tomber malade et mourir à l'infini. C'est pourquoi le Bouddha a exprimé sa joie au moment où il a atteint l'omniscience, en s'écriant « Architecte, faute de t'avoir reconnu, j'ai dû reprendre naissance à l'infini ». Et maintenant, continue le Bouddha, je t'ai vu, architecte, j'ai été en mesure de te reconnaître. Il avait reconnu, il avait vu Tanha et Avidja. Tanha et Avidja sont l'architecte de la maison. C'est à cause de Tanha et de Avidja que les renaissances ont lieu ad vitam aeternam. Le Bouddha avait dorénavant réalisé la sagesse omnisciente. Et s'était débarrassé de toute forme d'impureté de Kilesa. Il pratiqua la méditation pendant toute la nuit avec l'intention d'atteindre la libération. pendant la première partie de la nuit, il avait réalisé la connaissance qui lui permet de voir les vies antérieures des êtres. Pendant la deuxième partie de la nuit, il développa l'œil divin, ce qui lui permettait de voir partout des objets très éloignés. Et pendant la troisième partie de la nuit, il se débarrassa de toutes les kilesas. Il avait atteint la sagesse omnisciente. Étant donc devenu, ayant donc atteint la sagesse omnisciente, le Bouddha était devenu capable d'enseigner le Satipatthana Sutta très clairement. Le Satipatthana Sutta, ce sont les quatre établissements de l'attention. Le Bouddha annonça que les quatre établissements de l'attention sont le seul chemin pour atteindre la purification des êtres, pour surmonter le chagrin et les lamentations, pour faire disparaître la souffrance physique et la souffrance mentale, pour atteindre le noble chemin et pour réaliser Nibbana. Ce sont là les bénéfices de la pratique de Satipatthana Vipassana. Si nous pratiquons les quatre établissements de l'attention et Vipassana, et lorsque notre attention sera devenue parfaite, il deviendra possible pour nous d'atteindre le noble chemin et son résultat, le noble fruit, Ariyamagga et Ariyaphala. Le noble chemin, le chemin supramondain, permet d'échapper aux renaissances dans les mondes inférieurs, les Apayas. Lorsque nous réalisons le noble chemin, le résultat se manifeste également et c'est Ariyaphala, le noble fruit. Si l'attention est faible, si elle est peu développée, notre esprit ne se sera pas libéré des impuretés des kilesas. Par contre, si notre attention est forte, si elle est suffisamment pure, l'esprit va devenir très clair, il va se purifier. C'est le premier bénéfice, la purification des êtres. Le deuxième bénéfice consiste donc à surmonter le chagrin et les lamentations. Nous vivons dans le monde des plaisirs sensuels et nous avons beaucoup d'attachements pour ces plaisirs sensuels. Parfois, certaines personnes en auront un peu moins. Quoi qu'il en soit, le Putujana, l'être ordinaire, a de l'attachement pour les plaisirs sensuels. L'esprit d'un Putujana n'est pas mûr, il est très fragile. Et lorsqu'il se trouve confronté à des situations désagréables, il se sentira malheureux. Il sera confronté à des situations agréables, il va se sentir heureux. Il n'est pas facile d'équilibrer son esprit et de faire face aux vicissitudes de la vie de façon équanime. Il y a quatre paires de vicissitudes dans la vie. Tout d'abord, le gain et la perte. Ensuite, la popularité et l'impopularité. Parfois, nous aurons beaucoup d'amis, parfois, nous n'en aurons pas. Ensuite, l'éloge et le blâme. Parfois, on fera notre éloge, parfois, on nous critiquera. Et enfin, le bonheur et le malheur. Personne ne souhaite se trouver confronté à des situations désagréables. Tout le monde souhaite expérimenter des choses agréables. Mais qu'on le veuille ou non, nous serons obligés d'expérimenter ces deux sortes de situations. Si nous ne pratiquons pas Vipassana, notre esprit ne sera pas équilibré, il ne sera pas mûr, il sera très sensible et donc fragile face à ces vicissitudes. Par contre, si nous développons Vipassana, nous allons réussir à développer l'équanimité face à toutes ces situations. Nous allons commencer par expérimenter des sensations désagréables pendant la méditation. Nous aurons toutes sortes de douleurs physiques, des pincements, des pressions, de la chaleur, de la dureté, etc. Et si nous sommes très attentifs, nous pourrons constater qu'il n'y aura pas seulement des douleurs physiques, il y aura également des douleurs mentales. Nous aurons du découragement, de la dépression, etc. Nous devrons donc faire face à toutes sortes de sensations désagréables au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Si notre esprit est faible, il sera très sensible et ne pourra pas surmonter cette souffrance mentale et cette souffrance physique. La pratique des quatre établissements de l'attention de Satipatthana est la meilleure façon de réussir à surmonter le chagrin et les lamentations. C'est pourquoi le Bouddha a dit que Satipatthana était le seul chemin. Le Bouddha, en effet, a enseigné beaucoup de choses. Il a enseigné Sila, la moralité. Mais par Sila, il n'est pas possible d'arriver à surmonter le chagrin et les lamentations. Car Sila, c'est essentiellement respecter les préceptes moraux. En respectant les préceptes moraux, la personne va réussir à contrôler ses actes et ses paroles. Mais son esprit ne sera pas contrôlé. Son esprit est encore toujours libre de penser à des choses positives ou à des choses négatives. La pratique des préceptes moraux lui permet uniquement de contrôler ses paroles et ses actes. Le Bouddha a ensuite enseigné Samatha, la méditation qui demande de se concentrer sur un seul objet et qui mène à la concentration. Lorsque l'esprit est concentré, il est débarrassé des empêchements. Mais cependant, il n'est pas en mesure de comprendre, de développer la sagesse, la compréhension de anicca, de dukkha et de anatta. Au moment où l'esprit est concentré, il n'y a aucun empêchement, mais la sagesse n'est pas présente. Et si un objet désirable se manifeste, il est fort possible que l'esprit vacille et que le désir le pénètre. C'est pourquoi il n'est pas possible de surmonter le chagrin et les lamentations par Samatha. Vipassana est la seule pratique, le seul chemin qui permet d'y arriver. Lorsque vous pratiquez Vipassana, vous devez essayer de suivre les instructions du Bouddha. Hier, je vous ai parlé de Atapa, l'effort soutenu. Un effort soutenu accompagné de Kusala Chanda, l'intention juste. Lorsqu'on pratique Vipassana, il faut se dire que on va pratiquer l'enseignement du Bouddha, qu'on a la chance de pouvoir pratiquer cette méditation et d'atteindre la libération. Il faut se dire que c'est le moment de commencer à faire l'effort et que notre but, c'est de réaliser le chemin et le fruit Ariyamagga Phala Jnana. Ceci, c'est l'intention juste. Nous devons avoir cette intention juste lorsque nous pratiquons Vipassana. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons fournir cet effort soutenu dont parle le Bouddha. Si nous n'avons pas cette intention juste, si nous n'avons pas l'intention de pratiquer dans le but d'atteindre l'illumination, notre effort ne sera pas assez soutenu. Et si notre effort n'est pas assez soutenu, il ne sera pas possible d'atteindre Magga et Phala. Lorsqu'on pratique Vipassana, il faut s'efforcer d'être toujours attentif au corps et à l'esprit. Il faut essayer de ne pas être distrait, de ne pas être insouciant. C'est un entraînement. Ce n'est pas facile de réussir à être toujours attentif. Mais plus nous efforçons de le faire, plus nous progresserons. Au début, en posture assise, on observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais c'est très difficile de maintenir l'attention sur ces mouvements. On ne réussit à le faire que 2 ou 3 fois. Si nous ne sommes pas très attentifs au moment où nous observons ces mouvements, l'esprit qui note, la conscience attentive, ne va pas se renforcer. Et nous ne serons pas capables de maintenir notre attention pendant toute la durée du processus. Si nous ne suivons pas ce mouvement et que nous ne maintenons pas notre esprit fixé pendant toute la durée du processus, nous n'expérimenterons rien, nous ne comprendrons rien. C'est la raison pour laquelle le Bouddha parle de Atapa, l'effort soutenu. L'esprit qui note doit toujours être activé. C'est comme la turbine d'Henri qui fournit l'électricité. Si cette turbine ne tourne pas bien, elle ne fournira pas beaucoup d'électricité. Il n'y aura pas beaucoup de lumière. Par contre, si elle fonctionne bien, tout pourra être vu très clairement. C'est la même chose avec notre esprit. Si l'esprit est très alerte, nous pourrons voir très facilement ce qui se passe en nous, dans le corps et dans l'esprit. Nous ferons par exemple la différence entre l'esprit et la matière. Nous réaliserons les causes et les effets, etc. Et toutes ces connaissances vont se manifester automatiquement et très clairement. C'est pourquoi l'énergie, l'effort est très importante pour générer l'attention. Il est donc très important de développer l'effort et de fournir un effort soutenu si nous voulons réussir à voir clairement. Si nous fournissons cet effort de tous les instants, la confiance va se manifester en nous. Cette confiance ne porte pas encore ni sur le Bouddha, ni sur le Dhamma, ni sur la Sangha. C'est uniquement une confiance en soi. Mais cette confiance en soi aura pour conséquence que nous allons maintenir de plus en plus l'attention. Notre attention va se développer, devenir forte, et lorsqu'elle sera devenue puissante, nous verrons les choses telles qu'elles sont réellement. Le fait de voir les choses telles qu'elles sont réellement va développer la confiance dans le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. In this manner, we believe in the Buddha and his teachings and his noble disciples. We trust because we have experienced with our practice. That is enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently, ardently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.